cathédrale Saint-Jean, la rue des Chevaliers, prieuré de France, le couvent, le Châtelet, le fort Saint-Nicolas. Aucun chrétien ne s'arrête sans émotion devant cette vieille cathédrale Saint-Jean, ses longues fenêtres ogivales, son peignoir rosace, ses gouttières à tête de dragon, les marches de son perron de marbre qu'ont foulé les fidèles et usées, hélas, sous les pieds des disciples de Mahomet. De gros clous de fer maintiennent les ailes de la porte d'Ermoulu, que l'imam ouvre aux visiteurs, la main tendue pour recevoir quelques paras, pris de sa tolérance. Moyennant ce salaire, il laisse entrer. Quelle nudité, quelle misère dans ce saint temple! Que sont devenues les belles orgues que d'Aubusson y fit placer? Où est ce magnifique reliquaire d'or et aussi de pierreries qui renformait la main droite de Saint-Jean? Singulier présent d'un sultan au grand maître, partout la ruine, la décadence et l'avilissement. Le plâtre des murs tombe en entraînant des fragments de peinture à fresque, et de grandes lézardes annoncent leur chute prochaine. Une poussière vieille et moisie macule les épitaphes en langue latine. Des lambeaux de tapis cherchent vainement à couvrir les dalles. Une natte poudreuse s'étale sur un marbre noir, où luisent çà et là quelques lettres dorées. C'est la tombe de Fabrizio Caretti, celui qui légua Rhodes, dernier de ses princes. Au plafond lambrissé, bleuâtre et constellé d'or, pendent quelques lampes éteintes et noircies où ne brûle plus l'huile sainte. La chaire du Coran, le mérabe, a remplacé l'autel. Le cœur se serre à l'aspect de ces murs sombres et humides qui semblent revêtus du cilice et pleurer l'absence du Christ. Leurs échos ne répètent plus les versets de l'Évangile. Les cloches n'annoncent plus à grande volée les fêtes de l'Église. On entend une voix perdue dans l'air, celle de l'imam. Du haut de son minaret, il appelle les musulmans à la prière, en répétant d'une voix claire avec un accent monotone « Allah il Allah, Mohammed Resul Allah ». Il faut s'éloigner. À cet appel, Dieu est Dieu et Mahomet est son prophète, les Turcs vont entrer et la protection du bienheureux Saint-Jean pourrait n'être pas efficace contre leur colère allumée par la profanation des pas d'un djaour dans ce sanctuaire qu'a élevé Foulque de Villaret et qu'a béni un évêque chrétien. Près de là sont les ruines d'une église qui rappelle l'héroïque défense de Rhodes par d'Aubusson. Ce grand maître la fit élever près du rempart sur lequel avait eu lieu le combat sanglant qui avait décidé la retraite des Osmanlis, et il la plaça sous l'invocation de Notre-Dame de la Victoire. En 1522, comme si les Turcs eussent voulu renverser ce monument, souvenir de leur défaite, ils s'y acharnèrent et le firent écrouler sous les efforts des coups répétés de leur artillerie. Au sortir de l'ancienne cathédrale, et en passant sous l'arcade en ogive qui voisine, on se trouve au sommet de la fameuse rue des Chevaliers. À chaque pas, presque sur chaque maison, brillent des armoiries dont les conquérants s'enorgueillissent comme autant de trophées de leur victoire. On y reconnaît successivement celles d'Hélion de Villeneuve, de Roger de Pin, de Philibert de Nayac, de Jean de Lastic, de Jean-Baptiste des Ursins, de Pierre d'Aubusson, d'Emery d'Amboise, de Guy de Blanchefort, de Fabrizio Caretti, de Villiers de l'Isle-Adam et de tant d'autres dont les blasons disent les noms illustres. De quel respect ne se sent-on pas saisi en face de ces radieux et nobles écussons où brille encore à côté de la croix et dans tout son éclat l'écu de Saint-Louis avec ses trois fleurs de lys, antique symbole de la pureté du vieux drapeau français qui flottait à Bouvines, à Alexandrie comme à Fontenoy. Malgré son ardeur, le soleil d'Asie les a conservés frais, ces lys de France, au milieu de plusieurs générations de musulmans qu'ils respectent par tradition. Les petits-enfants apprennent de leur père combien ils ont coûté à cueillir, arrosés du sang de nos preux. Combien, en effet, leur tige solide n'a-t-elle pas résisté au cimetière des infidèles? Cachés aujourd'hui par la clématite blanche comme eux, ils se trahissent encore par leur éclat sous ces lianes pendantes qui les protègent de leur ombre. En descendant la rue, et déviant un peu de son chemin, on passe sous une voûte sombre. Là est une ancienne auberge de l'ordre. La tablette d'armoirie qui orne la façade indique qu'elle appartenait à la langue de France. Presque en face, celle d'Espagne, et un peu plus loin, la langue d'Italie avait la sienne. Mais reprenons notre course dans cette rue vénérable où tout respire encore un parfum de chevalerie. Nous allons nous trouver en face du monument le plus beau et le plus intéressant par les détails de sa construction à la fois élégante et sévère, qu'ornent plusieurs cadres armoriés entourés de guirlandes en feuilles d'acanthe. C'est un édifice crénelé comme une citadelle, avec des tourelles en vedette fièrement placées à son faîte. De larges fenêtres encadrées de moulures délicatement refouillées s'ouvrent sur la façade et indiquent une noble habitation. C'était jadis la demeure du grand prieur de France. Trois dignitaires de cet ordre élevé y habitèrent successivement. Et si l'on en croit, les écussons et les millésimes qui sont placés entre les fenêtres ou sur la porte, dont l'ogive élégante repose sur deux petites colonnettes. La croix ancrée et le chapeau de cardinal sous Pierre d'Aubusson, les armes palées d'or et de gueules à six pièces rappellent les maris d'Amboise, et ce bras gonfalonné d'hermine est celui de Villiers de l'Isle-Adam. Ce palais parfaitement conservé, qu'une main respectueuse a su, sans ruine, approprier aux usages de ses nouveaux propriétaires, est aujourd'hui la demeure d'un Turc. Sa façade est défigurée par des petits balcons en bois, grillés, adaptés aux anciennes fenêtres largement ouvertes, telles qu'elles convenaient à la vie de chevalier sans peur comme sans reproche, mais qu'une précaution jalouse et soupçonneuse a réduite aux proportions de la lucarne orientale. Cependant, il faut rendre grâce au propriétaire actuel, peu soucieux d'ailleurs des hôtes auxquels il succède, de ne pas avoir détruit ces brillants écussons, qui conservent à l'extérieur de ce palais un reste de son ancienne splendeur. Quant à l'intérieur, l'inviolabilité du harem empêche d'y pénétrer. Un peu avant ce magnifique prieuré de France, vers le milieu de la rue, est une petite chaire avec son abat-voix de pierre, de forme ogivale. Des marches usées et disjointes y conduisent encore. C'est là que montait jadis le patriarche de Rhodes quand il prêchait la guerre sainte à l'exemple de Pierre l'Ermite et de Saint Bernard. C'est du haut de cette tribune que le grand maître Villiers de l'Isle-Adam exhorta les derniers habitants à défendre le Christ, leur foyer, et à venger ses chevaliers morts sur les remparts. En continuant à descendre, on passe devant une porte élevée, en bois de sycomore, sculptée et armoriée. C'est l'entrée latérale du couvent qui fait l'angle de la rue. En face de cet angle s'ouvre le porche d'une petite mosquée crénelée et défendue par une tour percée de meurtrières. Cette mosquée, qui n'a de turc que son minaret, est l'ancienne église dédiée à Sainte Catherine. Quelques vitraux de couleur se distinguent encore sous l'ogive de ses fenêtres étroites. Là est une petite place sur le côté de laquelle se développe la façade de l'ancien couvent. C'est un grand édifice simple, sévère, où, sur des loges voûtées et spacieuses, s'élève un second rang d'arcades avec balcon qui en compose la façade extérieure. À l'intérieur, un cloître formé d'arceaux et de colonnes armoriées enferme une cour sur laquelle s'ouvrent des salles voûtées, destinées sans doute aux cuisines et aux magasins du couvent. Au premier étage étaient les cellules et le réfectoire des religieux. Ils ouvraient sur le cloître. Cet édifice est complètement désert aujourd'hui. Il semble en général que les Turcs aient de la répugnance à habiter les lieux qui furent peuplés par les défenseurs de la foi chrétienne. Ils ont fait de la demeure des chevaliers non pas un arsenal, ce nom ne saurait lui être donné, mais un lieu de dépôt où sont entassées sans ordre quelques vieilles armes du XVIe siècle que la reddition de Rhodes a fait tomber entre leurs mains et que la rouille dévore. À côté était l'hôpital. Il était toujours ouvert aux malades et aux pèlerins, mais les chevaliers de Rhodes, oubliés des préceptes que transmet à leur ordre son vertueux patron, Gérard Tinck, gardien des pauvres, n'y faisaient plus le service de frères hospitaliers. Né dans l'humilité de la première croisade, cet ordre avait depuis longtemps renoncé à la piété de ses premiers vœux. Une existence plus ambitieuse avait remplacé la vie monacale des premiers chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont les successeurs ne conservèrent que le caractère belliqueux et l'antique héroïsme. De modestes frères servants avaient pris au chevet des infirmes la place des chevaliers de l'hôpital, mais si, occupés de trop hauts intérêts et trop fiers pour descendre à ces humbles fonctions, ils les avaient confiés aux mains d'obscurs infirmiers, du moins, ils se souvenaient assez de leur origine pour ne pas oublier les souffrants et les pauvres, et ils avaient élevé cet hospice, vieux symbole de leur confrérie. Tout près de là, dans le curieux bazar où s'enchevêtrent actuellement les boutiques turques ou juives, on voit encore un monument de peu d'étendue, mais qui n'est pas moins remarquable que les autres. Il est percé de trois grandes fenêtres carrées, encadrées de feuilles d'acanthe, avec des croisées en fleurs de lysée, et surmonté de gargouilles qui s'allongent sous la forme de dragons ou de crocodiles. On y monte par un large escalier de pierre, en face duquel est un superbe cadre à redonnettes torses, dans lequel sont sculptés des guerriers armés de toutes pièces, supportant l'écusson blasonné d'Emery d'Amboise. sur la terrasse qui précède la façade, s'ouvre une porte dont les chambranles sont tordées de sculptures au milieu desquelles serpentent les flammes emblématiques de l'enfer. C'est l'ancien châtelet. C'est là que siégeait l'ancien justicier de l'ordre. C'est dans la salle où conduit cette porte d'aspect sinistre que fut condamné à être écartelé ce médecin juif qui entretenait avec Soliman une correspondance par laquelle le sort de la place pouvait être compromis. Et c'est sous ces mêmes arceaux séculaires que fut lue à Damaral la sentence du tribunal suprême de l'ordre qui condamnait ce chevalier félon à payer de sa tête sa trahison et ses intelligences avec les Turcs. Allant au-delà, on arrive au quartier juif où une large rue et plusieurs belles maisons armoriées attestent qu'elles servirent d'habitation à des membres de l'ordre de Saint-Jean. On y rencontre, à chaque pas, d'énormes boulets de marbre ou de granit lancés par ces fameux basiliques, sortes de gros mortiers de 60 à 80 cm de diamètre, qu'employèrent les Turcs dans ce siège où leur artillerie s'acharna à plusieurs reprises, mais vainement, contre cette partie de la ville. Ces singuliers projectiles, façonnés dans les montagnes du pays, sont restés là depuis 1522, et ils sont à moitié enterrés dans le sol ou rangés en guise de bornes contre les maisons. En cet endroit, on se trouve tout près du port et de sa ligne imposant de hautes et solides murailles. Plusieurs tours s'élèvent au-dessus des fortifications que baigne la mer, et au pied desquelles venaient s'amarrer les galères de l'ordre après leur course contre les Sarrasins ou contre Kouroglou, fils de loup, que le sultan de Constantinople lâchait comme un loup enragé sur les paisibles habitants de cette île. Les plus hautes de ces hautes tours sont carrées et portent les armes de Hernandez de Heredia, chevalier aragonais et grand maître de l'ordre, qui combattit à Crécy, de funeste mémoire, et sauva la vie au roi de France, Philippe VI de Valois, qui allait tomber aux mains des Anglais. Parmi ces tours, il y en a deux surtout qui sont remarquables. Elles renferment entre elles la principale porte de mer, surmontée des statues de la Vierge, de Saint-Jean et de Saint-Pierre en marbre blanc, placées dans une grande niche terminée par un clocheton à trois faces. Les Turcs, qui conservent les blasons, n'ont pas eu le même respect pour ces saintes images qu'ils ont presque entièrement mutilées. Les écussons et l'inscription qui sont au-dessous disent que Pierre d'Aubusson éleva cette porte et y plaça ces figures vénérées qui devaient s'offrir les premières à la dévotion des chevaliers et des marins de l'ordre, rentrant au port après de longues fatigues et de périlleux combats que la mer leur avait offerts. Au milieu de tous ces remparts sur lesquels la victoire plana si longtemps et qu'illustra à la fin une grande infortune, il ne faut pas oublier la fameuse tour Saint-Nicolas. À l'extrémité d'un môle qui s'oppose à la fureur des vagues de la grande mer soulevée par les vents du sud-ouest et le pied des rochers, elle montre au loin sous l'effigie de son céleste patron les lions qui soutiennent, entourés du collier de la toison d'or, l'écusson princier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ce prince, ému des dangers que courait Rhodes, voulut contribuer de ses deniers à la construction de ce fort destiné à protéger une partie de la côte et à défendre l'arsenal contre les agressions continuelles des corsaires que soudoyait Mahomet II, enhardi par ses victoires, que venait de couronner la prise de Constantinople. La tour Saint-Nicolas comprend dans son périmètre circulaire une double enceinte garnie de canons. Les Turcs racontent encore aujourd'hui de quel étonnement et de quelle épouvante furent saisis les janissaires de Soliman au moment où, après avoir escaladé les ruines du mur extérieur, ils furent foudroyés par l'artillerie de la seconde ligne que défendait Guyot de Castellane, bailli de la langue de Provence. Cette fortification est maintenant délabrée. Les Turcs, dont la faiblesse et la décadence profitent à notre époque de l'ombrageuse susceptibilité des divers États de l'Europe au sujet de l'Empire ottoman, dorment dans une quiétude insouciante des défenses de leur territoire. Il en est ainsi à Rhodes, comme au Bosphore ou dans les Dardanelles. Le fort Saint-Nicolas, qui a changé son nom chrétien contre celui de Tour des Arabes, serait incapable de protéger la darse qu'il défendit si bien jadis. Les gros canons, dont les culasses sont armoriées ou ornées de devises latines, montrent toujours, à travers les embrasures, leurs énormes gueules noires, mais ils ne font plus vibrer l'heure de puissantes détonations. Leurs affûts vermoulis n'y résisteraient pas. La chapelle que le grand maître Castillan Raymond Lacosta qui avait fait élever en l'honneur du patron des marins, bouleversée et détruite, s'est transformée en une citerne qui reçoit l'eau du ciel. Un petit phare s'élève sur ses ruines. presque aussi inutile que les canons que deux soldats turcs y gardent, il est insuffisant pour diriger les navires et montrer le chemin du port au pilote que la tempête menace dans les ténèbres des nuits orageuses.